بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد donc la semaine passée on avait expliqué les moyens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris pour interdire tout ce qui pouvait nous apporter ou nous amener à tomber dans le shirk, que ce soit dans les paroles ou dans les actions. On avait fini de les énumérer et là on était arrivé au point où on allait expliquer la citation de Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Donc le Cheikh dit: قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: من جمع بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر منافذا له بحيث لا يجتمعان أبدا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهة لبيوت الله ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها ولها أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأزدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويقعدون عليها ويعقدون عليها القباب ونهى عن تجسيس القبر والبناء عليه كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر وأن يقعد أو يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. On va expliquer cette partie qui est en relation avec Inch'Allah. Donc, le chef, il mentionne ce que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah, a expliqué dans son livre, dans un de ses livres, et il dit, le prophète, celui qui regarde et qui compare, et qui regarde la ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, et qu'est-ce qu'il a dit au sujet des tombeaux, qu'est-ce qui est dit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des tombes et des cimetières, et qu'est-ce qu'il a ordonné, et qu'est-ce qu'il a interdit à ce sujet-là, et qu'est-ce que ses sahaba, qu'est-ce que ses compagnons ont fait, et qu'il compare ça avec ce qui se passe aujourd'hui, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il parle de son époque, c'est-à-dire ça fait plus de 700 ans. Alors quand il dit aujourd'hui, il parle de son époque à lui, mais aujourd'hui aussi ça existe ces choses-là. Donc c'est comme si le chef il parle de son époque il y a 700 ans, puis c'est encore on est encore capable de l'observer qu'est-ce qu'il a décrit dans ce passage, et même encore plus que qu'est-ce qu'il a décrit. Donc le chef il dit qu'est-ce qu'il compare, celui qui compare la sunna et qu'est-ce que les gens aujourd'hui font, ils voient que un est contradictoire avec l'autre, hein, et que c'est totalement opposé, d'une telle façon que un ne peut pas s'associer à l'autre, s'accommoder avec l'autre. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier vers les tombes, et eux, c'est-à-dire les gens qui prennent les tombeaux pour des objets d'adoration, eh bien, ils prient directement au tombeau, ou bien ils prient à un endroit où il y a la tombe, comme par exemple si ils ont mis le corps d'un des hommes saints, ils l'ont enterré à plein milieu de la mosquée, ou bien ils ont construit la mosquée sur sa tombe. Hein? Aussi, par exemple, il mentionne, un autre exemple, il dit, ces gens-là, le prophète sallam a interdit de prendre les mosquées pour, les tombeaux pour des mosquées, et eux, ces gens-là, ils construisent des mosquées sur les tombeaux, et ils appellent ça des machaires. Au lieu d'appeler ça des machaires, justement pour essayer de délimiter, par exemple, d'essayer de ne veulent pas admettre que qu'est-ce qu'ils font, c'est en fait construire des mosquées sur les tombeaux. Alors, pour essayer de se détourner de ça, ils changent le nom de l'affaire. Au lieu de l'appeler mosquée, masjid, ils l'appellent mashhad. Mais en réalité, c'est la même chose. Ou mashhad, le pluriel de mashhad, c'est mashhad. Pour imiter les mosquées d'Allah, les maisons d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de mettre des cierges ou des chandelles sur les tombes. Et eux, ils font ça exactement, ils mettent des chandelles sur les tombes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de prendre les tombeaux pour des lieux de visite annuelle, c'est-à-dire de faire soit par exemple de faire des fêtes, de prendre ces lieux-là pour des lieux de fête pour se rassembler, ou de faire des visites annuelles à un temps précis. Par exemple, comme on fait par exemple pour l'Aïd, la fête de l'Aïd, où les gens se rassemblent à chaque année à une date fixe. Alors ça, c'est intéressant aussi de prendre les tombeaux pour faire un lieu de visite spécifique à une date spécifique de l'année. وهؤلاء يقفون الوقوف على مقام القنابل في السفر. الشيخ يقول إيه الفن في ليه في كم لحن في ليه الفات في ليه من يفون في كتير من ما سفري. Par exemple, si c'est la fête d'un certain wali ou d'un chef qui était enterré dans une tombe en particulier, eh bien, ils se rassemblent à cette date. Et ils font toutes sortes de rituels autour de cette tombe, soit par exemple de faire des tawaf, c'est-à-dire circuler autour de la tombe comme on fait par exemple autour de la Kaaba à Mecca. Et ça, bien entendu, c'est non seulement que c'est shirk billah yani, parce que c'est un acte d'adoration, at tawaf salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at tawaf salah. C'est-à-dire, faire le tawaf, c'est comme une sorte de salat. Mais si tu fais le tawaf autour d'une tombe, c'est comme si tu offres une salat. Et ça, c'est de faire ça autour d'une tombe, c'est une bid'a. Et non seulement ça amène au shirk, si c'est pour faire à la personne qui est enterrée dans la tombe. Non seulement ça aussi, mais c'est qu'ils font des rassemblements, par exemple, lors de ces événements-là, qu'ils appellent par exemple Mountain, ou bien par exemple, ben, ils vont faire comme ils font par exemple à Mina, on lève des tentes et les gens dorment là-bas et ils habitent là-bas. Alors, ces gens-là, ils font la même chose dans ces endroits-là, ils font des tentes. Et ils dorment là-bas, et chaque jour il y a des activités et certains rituels qu'ils pratiquent. Ouais. Ensuite, le chef il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de niveler les tombeaux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils les élèvent au-dessus de la terre et qu'ils les construisent comme des maisons. Ils construisent comme des maisons par-dessus les tombeaux. Et il cite comme preuve pour l'interdiction de construire ou d'élever des constructions sur les tombeaux, le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, selon Abu Hayyaj al-Asadi. Et Abu Hayyaj al-Asadi dit que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, l'a invité et l'a appelé et il lui a dit je vais t'envoyer pour une mission que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé aussi faire lorsqu'il était en vie. Il m'avait envoyé pour détruire toute statue et pour niveler tous les temps qui étaient au-dessus de la terre. Donc, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé Ali ibn Abi Talib pour détruire les statues et pour niveler les temps. Alors, Ali, il dit à Abil Hayyad, je vais t'envoyer faire la même chose que moi-même j'avais été envoyé faire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire que c'est une obligation de niveler les tombeaux pour qu'ils soient au niveau de la terre. Et s'il y a une statue, eh bien, il faut la détruire. C'est ça. Et après, qu'est-ce qu'il dit, le chef, il dit, ces gens-là, ils ont coupé, ils ont exagéré dans la contradiction du hadith. Et ils ont élevé les tombeaux au-dessus du niveau de la terre. Et ils font par-dessus des dômes. Ils mettent des dômes sur le tombeau pour honorer les gens qui sont enterrés en dessous. Et ils font des toutes sortes de sanctuaires ou des monuments ou des constructions par-dessus. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de placer les tombeaux, c'est-à-dire de mettre une plaque par-dessus ou de construire quoi que ce soit. Et il a mentionné un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a interdit de placer, de mettre une plaque sur les tombes ou de s'asseoir dessus ou de construire quoi que ce soit dessus. Parce que le chef il dit وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا وَرَوَى أَبُو دَاوُودٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَجْفِيفِ الْقَبْرِ أَوْ عَنْ تَجْفِيفِ الْقُبُورِ وَأَنْ يُكْتَبُ عَلَيْهَا وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره وغيره ولها أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجسس القبر وأن يكتب عليه أو يزاد عليه وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والجفة والأحجار. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذين عليها أعياد المتخذين لها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب منافقون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهؤلاء من الكبائر وهو من الكبائر. Donc, le chef, il continue de mentionner les paroles de Ibn Qayyim, et il dit, le chef, il dit, est-ce qu'on était rendu? Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de créer quoi que ce soit sur les temples. Il a rapporté selon, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, dans son sunan, selon Jabir ibn Abdullah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de placer les tombeaux et d'écrire dessus. Et Al-Tirmidhi a dit que c'est un hadith Hassan Sahih. Après, il dit ces gens-là ont mis des sortes des tables sur les tombeaux sur lesquels ils ont écrit du Coran ou bien des plaques sur lesquelles ils ont écrit un Coran ou bien ils ont écrit d'autres choses aussi. Alors ça c'est contradictoire avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et aussi ils ont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de rajouter quoi que ce soit autre que la terre du tombeau. C'est-à-dire la terre qu'on a creusée pour faire le trou, on doit rien rajouter à cette terre, on doit rajouter la même quantité de terre qu'on a enlevée, de rien rajouter à ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été interdit dans un autre hadith aussi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est interdit il a interdit de mettre du plâtre sur les bandes et d'écrire dessus ou de rajouter quelque chose, à la terre. Et ces gens-là, ici, ils rajoutent des briques, et ils rajoutent du plâtre et ils rajoutent des pierres. Et après, il cite une parole d'Ibrahim al-Nakhaïm, qui était un des salafs, et on lui dit, les gens détestaient qu'on rajoute des briques sur leur tombe. À cette époque, à son époque, Ibrahim al-Nakhaïm a été parmi les tabi'in, qui était dans le premier siècle de l'islam. Après, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que ces gens-là qui prétendent glorifier les tombeaux et qui font des fêtes autour de ces tombeaux ou des lieux de, ou des moments pour se réunir, ou des lieux de réunion, et qui mettent des chandelles sur les tombeaux et qui construisent dessus des tombes et des mosquées, et bien, ces gens-là ont contredit les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont défié qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et il dit, il n'y a rien de pire que qu'est-ce que ces gens-là font de construire des mosquées sur les tombes et de mettre des chandelles dessus et que ça fait partie des al-kabair. Hein? Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans un seul but, c'est de pas nous, pour pas qu'on, en faisant ces choses-là, et puis que ces choses-là nous amènent à tomber dans le shirk billah. Parce que lorsque les gens commencent à faire des choses comme ça, et bien, le fait de glorifier les morts de cette façon, ces choses-là mènent à une honte. Et de plus en plus grave. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire, bon, nous, on a construit un tombe, un grand sanctuaire ou une mausolée, ou un tombe sur la tombe de cet homme parce qu'il était très vertueux, il était très pieux. Et donc, pour se souvenir de lui et pour montrer qu'on a beaucoup de respect pour lui, alors on va construire sur sa tombe ce truc-là. Et notre intention, c'est pas de l'adorer, c'est pas de montrer qu'il est un partenaire avec Allah dans l'adoration, mais seulement pour avoir du respect. Mais ils oublient qu'ils contredisent la parole du prophète Mohammed. Comment vous pouvez vouloir respecter ou montrer du respect à cet homme qui est décédé, qui est mort et qui est pieux, en faisant qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire? Alors ça déjà là, c'est une contradiction. Deuxièmement, peut-être que ces gens-là qui ont construit ces choses-là par-dessus la tombe, eux n'avaient pas l'intention de les prendre pour partenaire avec Allah ou de les adorer ou de leur offrir une adoration quelconque. Sauf que les gens qui viennent après eux, qui sont ignorants et qui ne connaissent pas les règles de l'islam par exemple et qui sont trompés peut-être par le shaitan, ils commencent à tomber dans l'idolâtrie ou le shirk billah. Et allez, ils vont aller à la tombe de cette personne qui est décédée dans la tombe et ils vont commencer à lui demander au saint, par exemple, il l'appelle saint ou sayyid ou yani wali, je ne sais pas quoi c'est le nom qu'ils peuvent utiliser pour le qualifier, et ils vont commencer à lui dire ah, je suis malade, ou ma femme est malade, aide-la, hein, et ils demandent au saint directement de l'aider. Hein. Alors, toutes ces choses-là, c'est des choses que les gens font et qui se passent actuellement dans les pays musulmans. Si par exemple quelqu'un a besoin d'argent ou a un problème, une maladie ou tout autre problème, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, on va aller voir le Seyyid, on va aller voir le Wali. Comme s'ils ont oublié Allah. C'est Allah qui est le créateur et qui contrôle tout et qui a le pouvoir sur toute chose. Pourquoi laisser ce créateur, pourquoi laisser le maître de tout et aller vers un autre qui est mort, qui n'a aucun pouvoir, ni pour lui-même, ni pour les autres. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire ces choses-là, et c'est pour nous justement fermer la porte à tout ce qui pourrait nous apporter à tomber dans le shirk billah. Après le shirk ibn Uzzah al-Kalam ibn al-Qayyim rahimahullah, في وصف ما أحدثه عباد القبور في زمانه، وقد زاد الأمر بعده وتطور إلى أشد وأشنع، واعتبر من ينكر ذلك شاذا متشددا متلقبا للحق لحق الأولياء أو منتقدا لحق الأولياء، ومن العجب أنهم يغارون لتنقص حق الأولياء حيث اعتبروا ترك عبادتهم تنقصا لهم ولا يغارون لتنفس حق الله بالشرك الأكبر ولا يغارون لتنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc le cheikh il dit, et c'est ainsi que se termine la citation d'Ibn Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, dans la description de ce que les gens qui adorent les tombes ont inventé à son époque. Mais il dit aujourd'hui, la chose a empiré, et devenu beaucoup plus, encore plus grave, et plus laide. Il dit d'une façon telle que les gens qui dénoncent ce que ces gens-là font, se font traiter d'être des gens anormales, ou bien d'être des gens extrémistes, qui ont contredit, qui vont à l'encontre du respect qu'il doit donner aux saints ou aux lumières. C'est comme si ils disent, ces gens-là qui dénoncent le shirk ou la bid'a de ce que les enfants, eh ben, ils disent qu'eux, ils n'ont pas de respect pour les lumières. Ils n'ont pas de respect pour les seuls derniers, celui qui est enterré dans la tombe et qui était un homme très vertueux. Alors le chef il dit, Ibn al-Ajab, il dit, ça c'est très, et qu'est-ce qui est le plus étonnant, c'est de voir que ces gens-là ont une certaine jalousie, un sens de l'honneur à défendre le droit des saints. Parce qu'ils disent que celui qui ne les adore pas, il les a rabaissés, il n'a pas respecté les saints. Et alors qu'en même temps, ils ne se sentent même pas fâchés de voir que les gens ont complètement délaissé ou dérespecté Allah subhanahu wa ta'ala en laissant tomber son adoration et en connaissant le chef de l'Allah. Et en plus, ils n'ont aucun respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont contredit la sunna et son ordre. Alors, la hawla wa la quwwata illa billah. Le cheikh il dit ça, c'est étonnant de voir que des gens, ils se fâchent pour le droit des saints, soi-disant qui n'est même pas en fait un droit, c'est parce que c'est un chef de l'Allah et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font d'associer les gens morts avec Allah dans leur dua, dans leur invocation. Donc, il dit ces gens-là, ils prétendent ça, alors que ils ont manqué totalement de respect envers le Créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, en commettant le shirk avec Allah. Et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas eu de respect puisqu'ils ont contredit son ordre, comme on a expliqué tout à l'heure. Ensuite, le chef, il mentionne un autre point, un autre exemple, qui est l'extrémisme envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire l'exagération dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, ça peut nous amener à tomber dans le chef. Et le chef, il va nous expliquer comment et pourquoi. Le chef, il dit, Al-Ghulou fi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam. Laqad naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Ghulou fi ta'zimihi wa madhihi. Wa ghayruhu min bab al-awla. لأن ذلك يؤدي إلى إشراك المخلوقين في حق الخالق سبحانه وتعالى ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري ومسلم والإطراء هو مجاوزة الحد في مدحه أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله أي صفوني بذلك ولا تزيدوا عليه فقولوا عبد الله ورسوله كما وصفني ربي بذلك كما قال كما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقوله تبارك الذي تنزل الفرقان على عبده وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كما في قوله يا أيها الرسول وفي قوله يا أيها النبي Donc le cheikh dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens d'exagérer dans la glorification de sa personne et de quiconque autre que lui. Et ça c'est encore plus important, c'est-à-dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens d'exagérer dans la glorification de sa personne, alors pour les autres qui sont encore moins important que lui, c'est-à-dire plus bas en degré que lui pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est encore plus compréhensible qu'on ne doit pas exagérer en ce qui concerne leur personne aussi. C'est-à-dire ne pas non plus les glorifier trop de façon exagérée. Et le chef dit pourquoi? Parce que cette chose-là pourrait nous apporter et nous amener à tomber dans l'association, c'est-à-dire à shirk, l'association des créatures dans le droit du Créateur, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il a interdit l'exagération dans la glorification de sa personne, et il a dit, n'exagérez pas envers moi de la même façon que les chrétiens ont exagéré envers le fils de Marie, c'est-à-dire Jésus. Je ne suis qu'un serviteur, c'est-à-dire je ne suis qu'un esclave d'Allah. Alors dites Abdullah wa Rasoulou. C'est-à-dire dites que je suis le serviteur d'Allah, l'esclave d'Allah et son messager. Et n'agissez pas à ça. C'est-à-dire n'exagérez pas dans la glorification. C'est un hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim. Après, le chef dit Al-Isra, huwa mujawazatu al-hadd fi madhhi. Le mot qui est utilisé dans ce hadith, Al-Isra, ça signifie de dépasser la limite, c'est-à-dire d'exagérer dans la glorification de quelqu'un. Et dans ce contexte, la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire, n'exagérez pas en nous glorifiant. De la même façon que les chrétiens ont exagéré la glorification de Jésus à un tel point qu'ils lui ont attribué la divinité, le droit de l'adorer. Et ça, c'est une loi qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont transgressé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne suis qu'un esclave, c'est-à-dire je ne suis qu'un serviteur d'Allah, alors juste, serviteur d'Allah et son messager, ça veut dire décrivez-moi de cette façon sans rien à dire, ça veut dire ça exagérer. Parce que, il dit parce que c'est comme ça que Allah lui-même l'a appelé. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a qualifié son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, il se réfère à lui comme étant son esclave, son serviteur. Dans plusieurs versets, par exemple, Alhamdulillah, illazi anzala ala abdihi al-kitab. Louange à Allah, celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Qui a fait descendre le livre sur son serviteur. Dans un autre hadith, dans un autre ayah, Allah dit Tabarak al-lazi nazala al-Furqan ala abdihi. Donc, bénédiction soit sur celui qui a fait descendre le discernement à Coran, c'est le Coran, sur son serviteur. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque le serviteur d'Allah s'est tenu, s'est élevé pour invoquer Allah. Dans un autre verset, Allah dit, Ya ayyuha ar-rasul, ô toi le messager. Donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala se réfère au prophète. Un serviteur, un esclave. Et c'est ça, c'est un titre d'honneur, un titre honorifique que Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour décrire le meilleur parmi les esclaves. Après le chef, il dit فَعَبَ الْمُشْرِكُونَ إِلَّا مُخَالَفَةَ أَمْرِكَ وَارْتِكَابُ نَهْيِ فَعَظَّمُوهُ بِمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ وَحَذَّرَهُمْ مِنْهُ وناقضوه أعظم مناقضة وشابه النصارى في غلوهم وشركهم وجرى منهم من الغلو في حقه بما هو صريح الشرك في نثرهم وشعرهم كقول البصيري في البرزة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل وما بعده من الأبيات التي مضمونها توجيه الدعاء والعياذ والياذ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب تخريج الكربات منه وفي أضيق الحالات وأشد الصعوبات ونسي الله عز وجل وذلك أن الشيطان زين لهذا الناظم ولأمثاله سوء عمله فأظهر لهم هذا الغلو في مدحه وإن كان شركا أكبر في قالب حبه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وأظهر لهم الالتزام السنة في عدم الغلو به وفي قالب بغضه وتنفسه وفي الحقيقة أن ارتكاب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الإفراط في مدحه وترك متابعته في أقواله وأفعاله وعدم الرضا بحكمه هو التنفس الحقيقي له صلى الله عليه وسلم فلا يحصل تعظيمه ولا تتحقق محبته إلا باتباعه ونصرة دينه وسنته. Le chef dit, mais malheureusement, les chicots, les ceux qui ont associé l'offre avec Allah, ils ont refusé de suivre sa sunna et ils n'ont fait que contredire ses ordres et de faire ce qu'il nous a interdit. Alors ils ont glorifié d'une façon exagérée et ils ont fait exactement ce que le prophète nous a fait averti de ne pas faire. Alors ils ont fait exactement ce que les chrétiens ont fait pour Jésus et de Marie. Et ils ont imité ces gens-là, les chrétiens, dans leur chirk, c'est-à-dire leur idolâtrie. Et la même chose s'est produite, les mêmes formes de chirk ou d'exagération se sont produites à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose que qu'est-ce que les chrétiens ont fait envers Jésus. Et on voit ça, on peut remarquer le chef clair dans leurs poèmes et dans leur poésie et dans leurs chansons qu'ils ont écrites. Comme par exemple, ils mentionnent un poème d'une personne qui s'appelle Al-Busayri. Et son poème s'appelle Al-Burda. Alors, c'est une sorte de chanson ou un poème télé, genre c'est très connu. Et puis, les gens ne chantent pas souvent lorsqu'ils font la fête du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, on sait que ça, c'est une bid'a. Mais si c'est interdit, c'est haram, et on veut chanter la fête du prophète, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man amna amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée. Hein? Donc, tout ce qu'on fait doit être fait avec une preuve. Soit du Coran ou de la Sunna. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté sa propre fête et n'a jamais demandé à ses sahaba de le faire. Et ni aucun de ses sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni les trois premières générations n'a jamais eu l'idée de fêter la fête d'un des prophètes ou de la fête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté la fête de Isa ibn Maryam, ni la fête de Moussa, ni la fête de Isa, ni la fête d'Ibrahim, ni la fête de Yaqub. Aucune de la fête de la naissance d'aucun des prophètes. Donc, l'idée de fêter la fête de la naissance des prophètes, ça ne vient pas de la religion d'Allah. Ça ne vient pas de l'enseignement d'aucun des messagers d'Allah. Isa alayhi salam n'a jamais fêté la fête des prophètes qui sont venus avant lui. Et il n'a jamais dit aux gens, lorsque je serai mort ou lorsque je serai monté au ciel, fêtez ma fête. Et donc, ce que les chrétiens font, eux aussi, sont des bid'ah dans leur religion. Et ceux qui les imitent parmi les musulmans, eh bien, eux aussi sont dans les gardes à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans qui ont fait de la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fête nationale? un jour dans lequel les gens n'ont pas de travail ou sont en vacances, ça aussi c'est une bid'ah, et que c'est interdit de le faire et de le pratiquer. Beaucoup de gens, quand on leur dit ça, ils trouvent ça surprenant parce qu'ils n'ont jamais compris pourquoi ça pouvait être interdit. Pour eux, le sens religieux de la fête, il n'y a rien de mal de ça. Alors qu'en fait, c'est une des choses qui nous poussent à l'égarement, puisque ça nous pousse à contredire l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les gens récitent ce passage de ce poème, et parmi les vers de ce poème, parmi les lignes de ce poème, il y en a un passage qui dit « Ô toi la plus noble des créatures, qui ai-je? Je n'ai personne d'autre que toi à qui demander refuge lorsqu'il y a un grand malheur. » C'est-à-dire, il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, « Ô toi la plus noble des créatures, lorsqu'il y a un grand malheur, je n'ai personne d'autre que toi vers qui me tourner pour chercher refuge. » C'est comme s'il oublie complètement que Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui protège lorsqu'il y a un grand malheur et qu'on a besoin d'une protection. Même Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, il cite les mouchriquins. Allah dit, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. يعني الله سبحانه وتعالى il dit dans le Coran à propos des mushrikins, lorsqu'ils vont dans l'océan, sur l'océan, ils vont dans la mer, ils montent en bateau, ils vont sur la mer, là, ils ont peur, ils invoquent Allah seul. Mais quand ils retournent sur la terre, là, ils continuent à faire les choses. Ces gens-là, même dans les moments où ils sont en, c'est-à-dire ils sont même pas en danger, et même dans ce moment-là, ils mentionnent des idées de chef et des paroles de chef, et ils demandent le refuge et la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est comme s'ils ont associé Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont associé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la relation avec Allah. Et ça, c'est tout même le chef. Bien entendu, celui qui pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut le protéger en dehors d'Allah. Alors, subhanallah, surtout, même durant sa vie, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en présence de l'un de nous pour nous venir en secours contre un écrivain ou un ennemi, ben, il ne peut pas nous aider sauf s'il est à proximité. Alors, par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la ville d'Al-Madina al-Munawwara et que tout est à Mecca et qu'il y a un autre qui vient avec son épée qui peut couper la tête, est-ce que tu penses que tu vas appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est à Al-Madina pour lui dire « Ya Rasulallah, aide-moi » ou que tu vas appeler Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est As-Sami' al-Alim, celui qui voit et qui est en tant qui peut te venir en aide, peu importe où tu es. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut t'aider. Il est à des kilomètres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vivant, celui qui ne meurt pas. Hein? Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, et là il est dans sa tombe, et bien il peut encore moins nous aider que lorsqu'il était vivant, s'il était à une grande distance. Il peut encore moins nous venir à ce point si on a un problème. C'est seulement Allah qui est As-Sami' al-Alim. Lévi. Donc, comme je disais, le chef il dit ensuite, « On a ba'adhu min al-abiyat illa sinadnoum wa tawjihu du'a » et qu'est-ce qui vient après ce verset, ce vers de la poésie que tu viens la requête, qui contient aussi des invocations et des demandes de l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous faire sortir de nos difficultés dans les moments les plus difficiles. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont oublié Allah. Ils ont complètement oublié Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le shaytan a obéi à ce poète et à ses semblables le mal qui est dans leur cœur. Alors il leur a fait voir que l'exagération dans la glorification, qui dans ce cas-là, dans ce verset-là, est un exemple de chiffre majeur, eh bien, ils l'ont transformé en preuve de, d'amour et de glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont pris le chiffre et ils l'ont fait tourner pour le faire paraître comme si c'était une preuve d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour montrer que ils ont montré les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demande de ne pas exagérer, et ils ont pris ça comme étant une preuve de haine ou de manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, de faire le shirk pour eux c'est une preuve d'amour, et d'interdire l'exagération c'est une preuve qu'on déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est exactement ça la sunna. Donc, ils ont complètement inversé toutes les choses de à l'envers. Hein. Alors, le chef dit, dans la réalité, faire ce que le prophète nous a interdit, c'est d'exagérer dans sa glorification et d'abandonner de suivre l'exemple du prophète dans ses paroles et dans ses actions, et de ne pas être satisfait de son jugement. Voilà qu'est-ce qui est le manque de respect réel. C'est ça qui est le réel manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on ne peut pas glorifier ou honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne peut pas montrer qu'on l'aime non plus, sauf en suivant sa sunna et en supportant sa religion et sa sunna. قال الشيخ الزين وقد جاء في حديث عبد الله بن شفير وابن شفير رضي الله عنه قال انطلقت مع وفد او مع وفد بني عامر الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا وابن سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا افضلنا فضلا واعظمنا طولا فقال فقال فكونوا بقولكم اي ببعض قولكم ولا يجريانكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد وفي هذا الحديث منع صلى الله عليه وسلم هؤلاء ان يقول له انت سيدنا وقال السيد الله تبارك وتعالى ونهاهم ان يقولوا افضلنا فضلا وأعظمنا طولا وذلك لأنه خشي عليه من الغلو وكره أن يواجهوه باللبح فيفضي بهم إلى الغلو فقال لا يستجرينكم الشيطان أي لا يأخذكم جريا لا يتخذكم جريا له والجري الرسول والوكيل تبين بهذا أن مواجهة المادح للمندوب بالمدح ولو بما فيه أنه من عمل الشيطان لأن ذلك يسبب تعاظم المندوب وذلك مما ينافي كمال التوحيد كما أنه قد يسبب غلو المادح حتى ينزل المندوب منزلة لا يستحقها. دونك الشيخ الزيد لا يتم تفصيل هذا الحديث dans le hadith d'Abdullah ibn Shafir, un des riches, il a dit, je suis parti avec un groupe de la tribu de Amr, pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons dit au prophète, tu es notre Seigneur, et le fils de notre Seigneur. Le meilleur d'entre nous, ça y est. Notre maître, c'est notre maître et le fils de notre maître. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-Sayyidullah, c'est le maître de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors appelez-moi pas As-Sayyidullah. Fakulna abdalna fadlan wa azamna sunna. C'est le meilleur le meilleur, celui qui a la plus grande faveur, et celui qui est plus grand en. Alors, il a dit, dites seulement une partie de ce que vous dites, ne l'exagérez pas, que le shaitan ne soit pas bon, ne devenez pas les messagers du shaitan. Alors, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à ces gens-là de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître ou notre maître, dans le but pour ne pas qu'ils tombent dans l'exagération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, donc, ça en fait le contexte de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de leur dire, de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina, dans le but de ne pas tomber dans l'exagération. Et il leur a fait comprendre aussi que d'exagérer dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui, ou dans l'exagération de quiconque, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui vient du shaitan, c'est une chose qui vient du shaitan, et que ça va en contradiction avec la perfection du tawhid. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إقرائه والإقراء هو الزيادة في المدح حتى يفضي ذلك إلى الشرك به ووصفه بأوصاف الربوبية كما حصل في كثير من المدائح النبوية التي نظمها بعض الغالين كصاحب البردة وغيره مما جرهم إلى الشرك الأكبر كقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي ألوذ به سواك عند حلول الحادث العلمي وقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Donc le chef écrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'exagérer dans la glorification, et il dit parce que cela ça amène au chef. Et ça amène à qualifier la personne ou de donner à la personne les attributs de la souveraineté, c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de divinité. Il dit, et ça c'est arrivé à plusieurs d'entre ceux qui écrivent les chansons pour glorifier le prophète ou les poèmes. Et il donne encore un exemple de qu'est-ce que celui qui a écrit Al-Burda Al-Musayri, qu'est-ce qu'il a dit dans un de ses poèmes, le vers qu'on a mentionné tout à l'heure, pour toi, la plus noble des créatures, que les personnes autres que toi, à qui demander l'aide lorsqu'il y a un grand danger ou un problème. Et un autre vers dans ce même poème dans lequel il dit parmi tes beautés et parmi les belles choses que tu as faites, il y a ce monde, et parmi tes sciences il y a la science des tablettes et de la plume, يعني اللوح المحفوظ والقلم يعني في la plume, yani celle qui écrit, celle que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, et il a, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est la plume. Et il a ordonné à la plume de créer. Alors la plume a demandé qu'est-ce qu'il doit écrire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, écris tout ce qui va se passer jusqu'au jugement dernier. Donc, c'est écrit, c'est tout ce qui a été écrit, c'est dans Al-Lawh Al-Mahfouz, les tables préservées. Et dans les tables préservées, il y a tout la destinée de la création, juste au jugement dernier qui est écrit. Et donc, cette table préservée, personne ne connaît la science qui le suit, sauf Allah SWT. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce poète quand il dit ça dans ce poète, c'est qu'il est en train de décrire le prophète en train comme étant celui qui a la connaissance de Al-Lawh Wal-Qalam. Il sait ce qu'il y a dans les tablettes préservées et qu'est-ce que la plume a écrit. Et donc, c'est bien entendu, c'est l'exagération dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il parle que le mort est une des créations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, c'est une forme d'exagération dans la discussion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup de soufis, ils pensent que la première chose que Allah sallallahu alayhi wa sallam a créée, c'était la lumière. Et de cette lumière, ils disent, il y a des rapports dans des hadiths mawdou'a, il y a des hadiths qui sont complètement fabriqués, qui n'ont aucun poids d'authenticité. Et là, ils prennent dans ces hadiths mawdou'a, il y a des rapports des histoires fausses. Et parmi ces histoires, l'histoire que Allah sallallahu alayhi wa sallam a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de lumière, à partir de la lumière, et que c'était la première de ses créations. Et donc, il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. C'est pour ça, pourquoi? Parce qu'il était créé de lumière. Mais bien entendu, ça fait partie des mensonges que les soufis ont inventés à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, étant donné qu'il croit ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la première des créations, et que c'est faux. Et que c'est par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah a créé tout le monde. Et donc ça fait partie de leur exagération et de leur exagération envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il raconte ça comme ça que je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails-là, peut-être non, je ne sais pas si le chef va en mentionner des exemples. Alors, c'est juste pour vous montrer l'extrémisme de certains parmi les soufis qui sont dans l'exagération de la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de lui donner des attributs de divinité, et comme les chrétiens ont fait avec Jésus, avec Isa ibn Maryam. Et ça, c'est très dangereux. Après, le chef dit, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, لما أثمر الله له مقام العبودية صار يكره أن ينبح صيانة لمقام العبودية وحماية للعقيدة وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لها وحماية لمقام التوحيد أن يدخله ما يفسده أو أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن يقولوا له أنت سيدنا والسيد مأخوذ من السؤدد. وقال ابن الأثير في النهاية والسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم والمتحمل أذى قومه والمتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف السيد الله يريد أن السؤدد حقيقة لله عز وجل وأن الخلق كلهم عبيد له. والسيد إذا أطلق على الله تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب. قال ابن عباس الله الصمد أي السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. نوفي الشيخي دي للقصة صلى الله عليه وسلم يتظنيك الله سبحانه وتعالى لياب يعني تحتك جميع كل نيفو دادوراتيون. Eh bien, il est arrivé à un niveau où il déteste être glorifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déteste être glorifié. Et tout ça, c'est dans le but de préserver son niveau de aboudiya. Il veut seulement être un serviteur d'Allah, il ne veut pas être rien d'autre. Parce que c'est pour lui le plus haut du niveau. Et il n'y a rien de plus élevé que d'être un des serviteurs d'Allah. Et il dit ça, c'est pour protéger la croyance des musulmans aussi. Et pour protéger notre aqida. Et il a orienté la Umma, il a incité la Umma d'abandonner l'exagération dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le but de protéger le tawhid pour que rien ne puisse entrer dans cette umma de shirk et pour que rien n'affaiblisse cette umma parmi les moyens ou les choses, parmi les shirk ou les causes qui peuvent nous amener à tomber dans le shirk de l'ayam. Et parmi ces choses-là, il y a l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un essayisme. Même si, en fait, il est le meilleur d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith que le chef il va mentionner « Ana sayyidu waladi adam khalaqa » Je suis le maître des enfants, ou le meilleur des enfants de Adam, et il n'y a aucune fierté dans ça. Mais dans le contexte où les gens venaient et le glorifiaient, il les a arrêtés. Il leur a dit « N'exagérez pas dans ma glorification ». Même si c'était vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes, mais il ne voulait pas que les gens prennent cette habitude de le glorifier au point où il tombe dans l'exagération. Donc après, il mentionne des explications du mot Sayyid en arabe, il donne les définitions du terme. Il dit donc qu'il explique ça. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de entrer dans les détails de la signification, sauf d'expliquer que Sayyid, on peut dire que Sayyid, le mot Sayyid, le maître est attribué au Seigneur, à celui qui est propriétaire, au propriétaire, à la personne, à Sherif, le noble, une personne noble, Al-Fadil, Al-Karim, quelqu'un de généreux, c'est toutes les bonnes attributs, Al-Halim, personne indulgente, Al-Zawj, Al-Ra'is, toute personne qui a une position d'autorité, c'est la personne qui est en avant, qui a une priorité, le terme Sayyid s'applique à toutes ces personnes, c'est un titre. Après, le chef, وقال ابن الأخير وفيه أنه جاء رجل من قريش فقال أنت سيد قريش قال سيد الله أي هو الذي تحق له السيادة وكأنه كره أن يمدح في وجهه وأحب التواضع وحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر قاله إخبارا عما أكرمه الله به من الفضل والسداد وتحدثا بنعمة الله عليه وإعلاما لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله ولم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بقوتي فليس لي أن أفتخر بها انتهى كلامه من الشيخ المعكن لقرز ابن مسير يعني كان يجيب للبروفيسور صلى الله عليه وسلم قريش اسمه علي بن ابي يزيد شيء للسيد يعني شيء للمياه من الشيخ قريش من المياه قريش يعني دارت ثلاثة لناس يعني وغادر لناس قريش Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le maître c'est Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui, c'est Allah seulement qui, c'est à lui que toute la souveraineté appartient. Alors le prophète, il dit, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait se faire glorifier en face. Et il détestait que quelqu'un vienne à lui pour le glorifier dans sa face. Il détestait ça. Et il aimait l'humilité, il était humble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était humble. Et le hadith, je suis le maître des fils d'Adam et il n'y a pas de fierté. C'est-à-dire, le chef il dit, c'était seulement une information qu'il donnait ou il informe les gens de ça dans le but de montrer comment Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a honoré et lui a donné de ses faveurs. C'est juste pour exprimer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les bontés d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui. Et c'est pour montrer à sa umma son niveau pour qu'il sache que ça fait partie de la foi, de croire en ça. Mais il a suivi cette parole en disant « Wala faqr » et il n'y a pas de fierté là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est une des paroles que Allah lui a fait. Ce n'est pas qu'il l'a acquis, il ne l'a pas acquéri par sa propre force ou par ses propres, par son propre moyen par lui-même. C'est Allah qui lui a donné, et donc c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de raison pour lui dans la prière. Ce n'est pas une chose qu'il dit pour se montrer plus haut que les autres. Il est humble pour être là. فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما أخبر بذلك ولكن لما واجهه هؤلاء بهذا اللفظ نهاهم عنه خوفا من الغلو الذي يفضي به بهم إلى الشرك ومما يوضح هذا ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله وأحب أن وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد Un autre hadith qui clarifie ça, c'est un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, dans lequel les gens avaient dit tu es le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. On notre maître et le fils de notre maître. Alors, le prophète a dit oh les gens, dites ce que vous dites, mais que le shaitan ne vous trompe pas, et il ne passe pas tomber dans l'exagération, je suis le messager d'Allah. Je suis Mohammed, je suis le messager d'Allah, je suis l'esclave d'Allah. Et je n'aime pas que vous m'élevez plus haut que le niveau auquel Allah m'a mis. Il n'aime pas qu'on exagère en les glorifiant. وفي هذا الحديث ما يبين أنه نهاهم أن يقولوا يا سيدنا خشية عليهم من الغلو في حقه فسد هذا الطريق من أساسه وأرشدهم أن يصفوه بصفتين وهما أعلى مراتب العبودية وقد وصفه الله بهما في مواضع من كتابه وهما قوله عبد الله ورسوله ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل حماية للتوحيد. فالشيخ ابن تيمية يكتب ما قال من شوز بكتابه بجدوه. يقول وهذا كثير في السنة الثالثة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله لا تخوني كما أخبرت النصارى ابن مريم أنا عبد الله رسول عبد الله ورسوله وقوله إنه لا يستغاث بي فإنما يستغاث بالله عز وجل ونهى عن التمادح واشتدد فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك وقال إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجههم التراب وذلك لما يخاف على المادح من الغلو وعلى الممدوح من الإعجاب وكلاهما يؤثران على العقيدة وبقي أن يقال هل يجوز أن يقول للمخلوق السيد قال العلامة ابن القيم اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم وهذا أصح من الحديث الأول انتهى قال الشارح وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به فيكون في هذا المقام سيكون في هذا المقام تفصيل انتهى. وكأنه يقصد بالتفصيل أنه لا يجوز أن يواجه الإنسان ويقال له يا سيد من باب المدح، ويجوز أن يقال هذا في حقه فكان غائبا وكان ممن يستحق هذا الوصف جمعا بين الأدلة والله أعلم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a répété encore le hadith au sujet de l'exagération du prophète de l'Assemblée, dans lequel il a dit « N'exagérez pas envers moi de la même façon que les chrétiens ont exagéré envers le fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, alors vous êtes serviteur d'Allah et son messager. » Donc en gros, « Inna hula yustara sabi » On va commencer là, on va faire la prière, on va faire l'adhan. Peut-être qu'on a terminé cette partie-là après l'adhan et puis on va arrêter, inch'Allah. Thank you. Okay. Ah, ok, pas de... Ah, ok, parfait. Je pense qu'on va arrêter tout de suite. Ok, ok. Pas de problème, inch'Allah.